Paul mesure 1m87 et pèse 120 kilos. Il est grand et gros. Jean mesure 1m65 et pèse 53 kilos. Il est petit et mince.